cultivons un univers d'amour dans ton innocence, dans ta confiance qui me fait offrir et qui me rassure. Oh, toi, mon nouvel.